harcelée, exploitée, elle peine à crier. Déplacée, réfugiée, elle peine à continuer. Délaissée, oubliée par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Par un sort méconnaissable, égaré, effacé, par la souffrance si palpable, compétent, travaillant, devant l'impossible, survivant, combattant, face à déjà connu une femme qui, pour un instant, voulait bien tuer ses enfants. Pourtant, j'ai bien entendu la voix des trailers de vie. C'est les enfants qui jouent dans la cour d'en avant en chantant bleu. Eh oui, Bleu et blanc de Robert Paquette, très beau souvenir que vous pouvez regarder parce que cette semaine, je suis tombé sur un petit clip que j'ai partagé sur ma page Facebook de Canrock, un petit clip en spectacle où Robert Paquette chante justement cette chanson-là. Et c'est cette chanson-là qu'il a chantée avec Joël Leroy dans le cadre en direct de l'univers de la francophonie avec Gilda Roy et Emmanuel Bilodeau. Donc, Robert Paquette a chanté cette chanson-là avec Joël Leroy. C'était magnifique. Bravo à toute l'équipe de l'émission en direct de l'univers. On est rendu à notre bloc instrumental. Ça va être un peu varié, vous allez voir, mais quand même trois pièces intéressantes. La première, le groupe était du côté de Sudbury à la Nuit sur les Temps cette année et j'ai eu des bons commentaires par rapport à ce spectacle-là. C'est Télécolor. Qui est un groupe de la région de Sudbury. On va entendre la pièce Libero 6, assez intéressant, merci, très électronique, très ambiant, mais très, très bonne batterie et des claviers en plus de ça. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça va être vraiment intéressant à entendre. Par la suite, un petit souvenir du groupe Iceberg qui existait à l'époque en Ontario. Musique... funk, électro, jazz, pop, dance, qui existait, comme je vous disais, il y a quelques années en Ontario. Et c'était des anciens membres de Kif Kif et des anciens membres de Hardy Moussaillon, entre autres. Et ils ont sorti un album, Iceberg, un album éponyme, sur lequel on trouvait la pièce Harmon XX, très intéressant comme pièce. Et on va y aller dans un autre style pour terminer notre bloc instrumental. c'est que sur l'album Les Étrangers, dernier album de la formation Brass Camarade, il y avait une pièce instrumentale, l'érotisme, assez funky aussi, funky hard rock. Vous allez voir, très bonne passe de guitare basse de la part de Pierre Lamoureux et très bonne guitare électrique de la part de François Lamoureux, bien sûr. Et c'est toujours un plaisir de faire tourner cette pièce-là parce que je l'adore énormément. Mais pour l'instant, on y va avec tout de suite un jeune trio de la région de Sudbury. Ça s'appelle, le trio s'appelle Télécolore. La musique assez intéressante, merci. Voici la pièce Libérosis à Canrock. Thank you.